Nombre chapitre 18. Alors l'Éternel dit à Aaron, toi, et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez l'iniquité du sanctuaire, et toi, et tes fils avec toi, vous porterez l'iniquité de votre sacrificature. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, qui est la tribu de ton père, afin qu'ils te soient adjoints et qu'ils te servent, mais toi, et tes fils avec toi, vous servirez devant le tabernacle du témoignage. Ils garderont ce que tu leur ordonneras de garder, et ce qu'il faut garder de tout le tabernacle, mais ils n'approcheront point des vaisseaux du sanctuaire, ni de l'autel, de peur qu'ils ne meurent, et que vous ne mouriez avec eux. Ils te seront donc adjoints, et ils garderont tout ce qu'il faut garder au tabernacle d'assignation, selon tout le service du tabernacle, et nul étranger n'approchera de vous. Mais vous prendrez garde à ce qu'il faut faire dans le sanctuaire, et à ce qu'il faut faire à l'autel, afin qu'il n'y ait plus d'indignation sur les enfants d'Israël. Car, quant à moi, voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, lesquels vous sont donnés en pur don pour l'Éternel, afin qu'ils soient employés au service du tabernacle d'assignation. Mais toi, et tes fils avec toi, vous ferez la charge de votre sacrificature en tout, ce qui concerne l'autel et ce qui est au-dedans du voile, et vous y ferez le service. J'établis votre sacrificature en office de pur don, c'est pourquoi, si quelque étranger en approche, on le fera mourir. L'Éternel dit encore à Aaron, voici, je t'ai donné la garde de mes offrandes élevées, d'entre toutes les choses sanctifiées des enfants d'Israël, je te les ai données, et à tes enfants, par ordonnance perpétuelle, à cause de l'onction. Ceci t'appartiendra d'entre les choses très saintes qui ne sont point brûlées, savoir, toutes leurs offrandes, soit de tout leur gâteau, soit de tout leur sacrifice pour le péché, soit de tout leur sacrifice pour le délit, qu'ils m'apporteront, ce sont des choses très saintes pour toi et pour tes enfants. Tu les mangeras dans un lieu très saint, tout mâle en mangera, ce te sera une chose sainte. Ceci aussi t'appartiendra, savoir, les offrandes élevées qu'ils donneront de toutes les offrandes tournoyées des enfants d'Israël, je te les ai données, et à tes fils et à tes filles avec toi, par ordonnance perpétuelle, quiconque sera net dans ta maison, en mangera. Je t'ai donné aussi leurs prémices qu'ils offriront à l'Éternel, savoir, tout le meilleur de l'huile, et tout le meilleur du moût et du froment. Les premiers fruits de toutes les choses que leur terre produira, et qu'ils apporteront à l'Éternel, t'appartiendront, quiconque sera net dans ta maison, en mangera. Tout interdit en Israël t'appartiendra. Tout ce qui ouvre la matrice de toute chair, qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des bêtes, t'appartiendra, mais on ne manquera pas de racheter le premier-né de l'homme, on rachètera aussi le premier-né d'une bête immonde. Et on rachètera les premiers-nés des hommes qui doivent être rachetés, depuis l'âge d'un mois, selon l'estimation que tu en feras, qui sera de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 obols. Mais on ne rachètera point le premier-né de la vache, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre, car ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu feras fumer leur graisse, c'est un sacrifice fait par feu, en bonne odeur à l'Éternel. Mais leur chair t'appartiendra, comme la poitrine de tournoiement, et comme l'épaule droite. Je t'ai donné, à toi, et à tes fils et à tes filles avec toi, par ordonnance perpétuelle, toutes les offrandes élevées des choses sanctifiées, que les enfants d'Israël offriront à l'Éternel, pour être une alliance ferme à toujours devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. Puis l'Éternel dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage en leur pays, tu n'auras point de portion parmi eux, je suis ta portion et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël, pour le service auquel ils sont employés, qui est le service du tabernacle d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus du tabernacle d'assignation, afin qu'ils ne soient point coupables de péché, et qu'ils ne meurent point. Mais les Lévites s'emploieront au service du tabernacle d'assignation, et ils porteront leur iniquité, cette ordonnance sera perpétuelle en vos âges, et ils ne posséderont point d'héritage parmi les enfants d'Israël. Car j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils offriront à l'Éternel en offrande élevée, c'est pourquoi j'ai dit d'eux, qu'ils n'auront point d'héritage parmi les enfants d'Israël. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Tu parleras aussi aux Lévites, et tu leur diras, « Quand vous aurez reçu des enfants d'Israël, les dîmes que je vous ai donné à prendre d'eux pour votre héritage, vous offrirez de ces dîmes l'offrande élevée de l'Éternel, savoir, la dîme de la dîme. Et votre offrande élevée vous sera imputée, comme le froment pris de l'air, et comme l'abondance prise de la cuve. Vous donc aussi, vous offrirez l'offrande élevée de l'Éternel, de toutes vos dîmes que vous aurez reçues des enfants d'Israël, et vous en donnerez, de chacune, l'offrande élevée de l'Éternel, à Aaron, sacrificateur. Vous offrirez toute l'offrande élevée de l'Éternel, de toutes les choses qui vous sont données, de tout ce qu'il y a de meilleur, pour être la sanctification de la dîme prise de la dîme même. Et tu leur diras, quand vous aurez offert en offrande élevée le meilleur de la dîme, pris de la dîme même, il sera imputé aux Lévites comme le revenu de l'air, et comme le revenu de la cuve. Et vous la mangerez en tout lieu, vous et vos familles, car c'est votre salaire, pour le service auquel vous êtes employés dans le tabernacle d'assignation. Vous ne serez point coupable de péché au sujet de la dîme, quand vous en aurez offert en offrande élevée ce qu'il y aura de meilleur, et vous ne souillerez point les choses saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point.